Micro ouvert. Blablabla. Ok. Eh bien, Mathieu. Mathieu Amèche. Amièche. Non, j'ai oublié le i là. Maintenant, ça y est, je l'ai. Mathieu Amièche. Particulier, on en parlait là. Amièche. Non, mais c'est kabyle alors. Ouais, non, je comptais pas parler de ça. Non, mais. Je cite souvent les noms des gens. Un nom d'origine berbère, oui. Voilà. Et on se rencontre avec les éditions. On va parler de ça. Les éditions La Lenteur. Et donc voilà, toi, t'es qui un peu? Parce que voilà, on parle des éditions La Lenteur et on parle de toi, Mathieu, quoi. Voilà, raconte-nous un peu. C'est quoi l'histoire? On est une petite maison d'édition créée en 2006-2007, dont je suis un des animateurs, mais seulement un des animateurs, donc avec Nicolas Aiguesier notamment, avec qui on a créé cette structure. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à l'aventure depuis donc une quinzaine d'années, et aujourd'hui on est 7-8 à travailler pour faire des choix de publication. Recevoir des manuscrits, les lire, les retravailler, les insérer dans le circuit commercial, dans le circuit des librairies. Donc on est une toute petite structure, mais qui essaye de faire les choses très sérieusement. Mais qui a 15 ans quand même. Qui a 15 ans, donc c'est le projet de créer une maison d'édition nous est venu, disons, au début, au milieu des années 2000. Dans un contexte politique qui était celui... On était après les arrachages d'OGM, les campagnes contre les OGM, qui nous avaient beaucoup marqués, Nicolas et moi. On était à la fin de ce qu'on a appelé le mouvement altermondialiste. On était avec un réveil de luttes étudiantes ou lycéennes. On se souvient du mouvement contre le CPE en France, contre le contrat première embauche, donc la précarisation de l'emploi, des dispositifs favorables aux entreprises pour sous-payer les gens et ne pas les garder. Voilà, et dans ce contexte-là, on a estimé que c'était important, intéressant d'avoir un outil d'édition autonome, de le construire. On savait qu'on n'allait pas le construire du jour au lendemain, mais quelque part, c'est un peu lié à l'idée qu'on sentait bien que le type de révolution, de changement de société, de bifurcation à laquelle on aspire, n'allait pas venir de suite, ne pouvait pas venir de suite, sauf événements vraiment très imprévus. Et donc, on s'est placé, en créant une maison d'édition, on se plaçait effectivement dans le moyen terme, voire le long terme. C'est-à-dire l'idée qu'il y a vraiment des idées à diffuser, des débats à ouvrir ou à rouvrir, des textes à ramener à la surface, d'un passé. Nous, on est des gens qui estiment que les choses importantes ont déjà été dites politiquement. Que le problème, c'est donc pas de dire des choses supplémentaires, c'est qu'elles puissent être entendues, qu'elles puissent être saisies, qu'elles puissent être digérées par des individus et par des sociétés, des bouts de société, des communautés, des groupes qui se mettent en mouvement. Les faire, quoi, au fond. Les mettre en application, toi. Les mettre en œuvre, ouais, les assimiler, les mettre en œuvre, créer du nouveau avec. Donc voilà, à partir de là, on publie peu, parce qu'on on vise pas du tout à avoir un projet à devenir, même si ça pouvait arriver, une grosse maison d'édition qui se mette à publier à tour de bras 20, 50, 100 livres par an. C'est absolument pas notre optique. D'abord parce qu'on estime que c'est pas possible de faire soigneusement le travail dans ces cas-là. Que ça fait épouser le mouvement, la vitesse infernale du monde où on vit. Et puis on estime qu'il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin de publier 50 livres par an, parce que les choses importantes politiquement sur l'état de la civilisation moderne, ses impasses, elles ont déjà été dites. Par contre, elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas saisi la société, elles n'ont pas provoqué de bouleversement dans le bon sens. Et donc, voilà, pour nous, il s'agit de faire un travail de fond, de soigner le propos, de soigner l'objet et de trouver des modes de diffusion qui puisse faire que des idées qui ont été oubliées, des constats qui ont été laissés de côté, à un moment, émergent comme quelque chose d'important, qui peut nous aider à nous orienter dans une situation historique qui est de plus en plus terrible. Voilà, donc c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, à raison de 3 à 4 livres par an. Enfin, disons, c'est une vitesse de croisière, ça qu'on a pris à partir de 2011-2012, parce qu'avant, en fait, on a appris à faire des bouquins par essai et erreur sur quelques projets qu'on a fait entre 2006 et 2010. Et puis, on a commencé à prendre une vitesse de croisière à partir de 2011-2012, avec 3-4 livres, plus parfois une revue dans l'année. Voilà, et c'est ça qu'on fait à quelques-uns depuis 15 ans, en langue française, donc avec parfois des liens intéressants qui se créent avec la Suisse, avec la Belgique. Avec le Québec, c'est plus rare et c'est moins abouti pour l'instant, mais voilà. Et quoi, alors, si je comprends bien, c'est quand même parce que c'est une maison d'édition. Vous n'écrivez pas les livres que vous éditez. Parce que tu dis que c'est plus ou moins 3-4 livres sur l'année. Ben, il faut aussi que 3-4 livres soient écrits, qui vous bottent, qui s'inscrivent dans les éditions, j'imagine. Alors, on effectivement, le but de départ, c'est bien d'avoir un outil pour éditer nos propres écrits, pour avoir une vraie liberté de ton et une liberté de contenu par rapport à des idées qui sont quand même hétérodoxes. Alors sans doute aujourd'hui, elles le deviennent un peu moins, de par un certain nombre d'évolutions dans les esprits, dans la société. Mais on met en musique une critique du progrès technologique. On met en musique le divorce, l'idée d'un divorce de plus en plus profond, déjà ancien, mais aujourd'hui extrême, entre le progrès technologique et le progrès humain social. C'est-à-dire on essaie de faire rentrer en jeu la conviction que le progrès technologique n'est pas synonyme, n'a pas toujours et n'a en général pas été synonyme de progrès social, jamais de manière mécanique, et que depuis, quelque part, entre la révolution industrielle et la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu systématiquement faux, et aujourd'hui ça l'est de manière grossière, et ça nous mène vraiment à un abîme écologique, humain, moral. Voilà, donc à partir de là, on essaie de développer ces constats de différentes manières. Donc nous on écrit, par exemple la maison d'édition La Lenteur a republié un texte que moi j'avais commis avec un complice en 2004, qui s'appelle Le cauchemar de Don Quichotte, qu'on avait à l'époque proposé à une maison d'édition de Montpellier qui s'appelait Climat. Le cauchemar de Don Quichotte, c'était un texte qui faisait un bilan critique du mouvement anti-mondialisation, des mouvements notamment de jeunes révoltés contre les institutions internationales, les politiques néolibérales, l'oppression des pays du Nord sur les pays du Sud par des politiques économiques néocoloniales, de prédation des ressources et de domination financière, de mise sous dépendance financière. Voilà, on faisait un bilan critique de ces mouvements. Et c'était quoi exactement parce qu'on a le temps là, c'était quoi exactement ce mouvement, cette critique, La critique qu'on faisait de ce mouvement, c'était de dire ce mouvement marque un certain réveil de la jeunesse occidentale, bon, qui n'est que partiel, parce qu'il était loin de concerner autant de monde que les révoltes des années 60-70, déjà, qui était elle-même insuffisante, donc, mais là, il concernait moins de monde, mais il y avait quand même un élan intéressant, mais il y avait une illusion très forte par rapport, disons, au progrès, technologique, au développement industriel, c'est-à-dire quand même l'idée que c'est quand même dans la direction du développement industriel qu'il faut aller, et que finalement, ce qu'on reproche souvent au régime capitaliste, aux institutions capitalistes, c'est de brider ce progrès, en fait. C'est d'empêcher son partage équitable, c'est d'empêcher sa diffusion à travers le monde. Et donc, nous, on appelait à une clarification, c'est-à-dire à dire non, en fait, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les pays plus arriérés sur le plan industriel, n'ont pas besoin de se développer. Ça, c'est plus arriéré, tu oses le mot, hein? Oui, j'ose le mot, parce que pour moi, c'est un mot positif, effectivement. Ah ouais, plus arriéré, ça me choque, moi, quand tu parles comme ça. Ben, tu vois, par exemple, c'est une expression souvent qu'avaient les gens de l'école de Francfort dans les années 60. Un certain nombre d'écrivains parlaient du capitalisme avancé. Donc effectivement, je prends au sérieux la linéarité, je prends au sérieux, disons, la téléologie capitaliste, c'est-à-dire l'idée que les sociétés vont dans une direction qui est celle du développement, vers plus d'industrie, plus d'infrastructures, plus de confort. Et donc ça, c'est l'avancée des sociétés humaines. Donc moi, je ne pense pas, je ne pense pas ça. Mais donc, par provocation, je souligne pour moi des sociétés arriérées, c'est des sociétés qui, pour l'instant, n'ont pas pris ce chemin ou ont emprunté le début de manière chaotique et ne sont pas très avancées dessus. Est-ce que tu es d'accord que c'est un peu une parole de colon, quoi, de dire les arriérés Oui, vois, mais je renverse, voilà, quelque part, on renverse le stigmate en disant, moi, si tu veux, j'estime, par exemple, je vis dans une partie de l'Occitanie, je dis souvent, c'est un territoire qui est plus arriéré que les autres. C'est positif pour moi, c'est-à-dire que je vois que c'est un territoire qui n'a pas connu la modernisation agricole, notamment, aussitôt que les autres. Ce qui entraîne tout un ensemble de conséquences intéressantes. Tout n'est pas positif là où j'habite, mais c'est plus ouvert. Il y a des ouvertures qui sont possibles pour recréer quelque chose dans un milieu rural, alors qu'il y a des milieux ruraux qui sont allés tellement loin dans la modernisation, dans l'avancement, dans la désarriération, dans le développement, que c'est très difficile d'imaginer... recréer des espaces d'agriculture vivrière, biologique, dans un sens un peu sensé, d'agriculture à taille humaine, dans la Beauce ou dans certains coins même de la région Occitanie, autour de Toulouse, dans les grandes plaines céréalières, le Gers par exemple, ou certains coins d'Ariège ou près du Béarn. Voilà. Donc oui, pour moi, arriéré, c'est un terme, disons, que j'emploie de manière positive pour dire... Oui, voilà, on a la clé, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Oui, pour dire, des sociétés qui ne sont pas encore pleinement industrialisées, non, ce n'est pas une bonne idée de chercher à les industrialiser et en fait de réclamer aux institutions internationales des mesures qui iraient dans le sens de ce développement, qui est justement, pour moi, le mot qui est colonial avant tout, c'est celui de développement. C'est-à-dire, c'est ce mot qui a été inventé par Harry Truman dans son discours de 1947, le président américain qui avait succédé à Roosevelt, sous l'égide duquel a été lancée la bombe atomique, les bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki en août 1945, et qui, dont la stratégie, disons, de containment de l'Union soviétique reposait sur l'aide au développement. Développer les pays, à la fois certains pays d'Europe, qui étaient jugés arriérés, comme les pays méditerranéens, développer certains pays du tiers-monde, certaines zones géographiques, pour en fait les arrimer au monde capitaliste, pour les fidéliser. Oui, arriérés et développement, ça va ensemble, hein, évidemment. Voilà. Donc, la critique qu'on faisait du mouvement anti-mondialisation, c'est de ne pas tirer ça au clair, d'avoir encore des illusions développementistes très importantes. Et ça se voyait aussi dans les déclinaisons, quelque part, de ce mouvement altermondialiste dans un pays comme la France, qui étaient les mouvements de défense de l'État social, les grèves de 1995 et de 2003, qui nous avaient énormément marqués, qui, moi, ont été très importantes dans ma construction politique, personnelle. C'est des mouvements qui, à juste titre, défendent... Les acquis sociaux, comme on dit, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait encore de la redistribution sociale par des pensions de retraite, par une sécurité sociale, mais qui, les défendent au nom de la croissance économique, avec l'idée qu'en fait, on peut garder tout ça parce qu'on va continuer d'avoir de la croissance économique, un développement industriel, un développement de l'emploi, et donc il n'y a pas de remise en cause du salariat, d'un développement industriel qui a dévasté les campagnes, qui a dévasté et vidé les campagnes, qui défigure les villes, et qui, en fait, rend tout le monde dépendant d'un système infernal, d'un système basé sur la prédation des ressources dans le tiers-monde, mais ici aussi, avec des formes plus douces sous nos contrées, mais déjà très impressionnantes. Et donc un système qui est indéfendable. Et en fait, la manière dont les groupes de gauche, d'extrême-gauche, critiquent les réformes néolibérales et défendent l'État social... avalise en fait ce mode de développement industriel. Donc c'est ce genre de mise au point qu'on faisait dans Le Cauchemar de Don Quichotte, qui est un livre qui était paru en 2004, qu'on a réédité à la lenteur en 2014, je crois. Et entre-temps, en 2012, il y avait un ouvrage collectif qui était sorti, dont Julien Materne, co-auteur avec moi du Cauchemar de Don Quichotte, et moi avons également œuvré dans cet ouvrage, mais d'autres gens, très proches de la maison d'édition, et qu'on considère un peu comme le manifeste de la maison d'édition, qui s'appelle « La liberté dans le coma », qui est quelque part un, un livre qui élargit le propos du cauchemar de Don Quichotte, enfin, l'élargit tout en le resserrant, parce que donc là, ça parle de l'informatisation de la société, puisqu'on a identifié, au fil des années 2000, au fil d'un certain nombre de rencontres politiques, d'un certain nombre d'actions qu'on menait, les gens de la lenteur, avec d'autres personnes proches, des amis, des complices politiques, on a identifié l'informatisation comme la pointe avancée de l'hétéronomie, en fait, de la perte d'autonomie. On a, aux éditions La Lenteur, et dans des cercles après de discussions, d'actions auxquelles je participe, auxquelles j'ai participé avec Nicolas, notamment avec Nicolas Aiguesier, depuis 2005, on estime que le fondement du capitalisme, c'est pas simplement l'exploitation, c'est pas simplement l'exploitation du travail, et donc l'extraction de profit par là, c'est pas simplement l'aliénation dans la consommation, c'est en fait le fait de nous soustraire les moyens de subsistance et d'autonomie. Le capitalisme est une machine à nous retirer de l'autonomie. Depuis sa naissance, quelque part à la fin du Moyen-Âge, voilà, le processus d'industrialisation est un processus d'hétéronomie. Bon, là, on a justement un être autonome qui arrive devant nous, qui est un chat. Voilà, qui avait l'air très intéressé par le micro. Donc, ouais, je disais, le capitalisme comme machine à nous confisquer de l'autonomie, à confisquer l'autonomie des peuples, l'autonomie des pauvres en premier lieu. Voilà, l'industrialisation a commencé avec des processus de très explicites de suppression des moyens de subsistance des pauvres dans les campagnes et sans doute dans les villes. Voilà, de rendre impossible le fait d'avoir une agriculture de subsistance ou beaucoup plus difficile, et donc pousser des masses de gens paupérisés vers la ville, ou en tout cas vers l'industrie, le fait d'être obligé de se salarier ou de vendre une partie de leur temps pour alimenter les premières industries du textile, de la mine, de la métallurgie, les industries fondatrices de la révolution, de la dite révolution industrielle des pays du nord de l'Europe, fin du 18e, début du 19e. Voilà, donc nous, c'est notre fil directeur, c'est ça qu'on documente en fait avec les éditions de La Lenteur, c'est comment le type d'économie dans lequel on vit et qui s'est mis en place à partir du 16e, 17e siècle est un dispositif de confiscation de l'autonomie, et que le profit, du coup, la création de profit, l'accumulation de capital repose sur le fait de retirer de l'autonomie aux gens et du coup d'être en mesure à la fois de les mettre au travail, dans le salariat, et de leur vendre des marchandises, de leur vendre des produits qu'ils ne sont plus capables de produire eux-mêmes. Je peux te couper ? Vas-y, ouais. Parce que quoi ? Du coup, alors, moi, ce que j'entends, mais alors toi, tu es vraiment quelqu'un dedans depuis... parce que là, maintenant, il y a une espèce... Je sais pas, tu dis si tu n'es pas d'accord, hein, mais il y a une espèce de tendance... Je veux dire, on voit bien ici aux rencontres, les gens sont plus intéressés, il y a une ouverture vers justement cette question de progrès, quoi. Après, je pense pas que tout le monde ici soit d'accord de, comme tu disais un peu avant, bah oui, en effet, on est contre le capitalisme, mais quand même, ses avantages, ça nous intéresse quand même, quoi. On n'est pas prêt à tout casser. Tandis que j'ai l'impression que toi, et les éditions La Lenteur, et c'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis hier, quoi. Ce serait d'ailleurs intéressant de comprendre comment ça se fait que ça t'habite comme ça depuis un temps. C'est merde. C'est pas je prends des mains et puis j'oublie le. Attends. C'est que c'est une manière de voir radicale, quoi. Oui. Oui, en même temps. Genre, je simplifie l'idée, mais genre, le progrès et tout ce qui va avec, là, tout ce qu'on nous a vendu depuis un bail, c'est comme si La Lenteur était déjà à la base très lucide sur les. Et savait déjà ce qu'il voulait. Pas ça, quoi. Oui, mais ça n'a rien d'exceptionnel non plus. C'est minoritaire, mais pas exceptionnel. Mais c'est minoritaire, hein. Mais c'est minoritaire. Vraiment minoritaire. Et ça dépend des, mais ça dépend aussi des époques. C'est-à-dire que nous, notre hypothèse de travail, c'est aussi que cette perspective a été pendant longtemps celle d'un certain nombre de luttes populaires. C'est-à-dire, on estime que les luttes populaires d'avant l'industrialisation, et donc beaucoup les luttes paysannes, se situer justement dans une perspective de défense de la subsistance, de défense des terres communes, des forêts communes, d'un certain nombre de droits d'usage qui permettaient d'avoir une autosubsistance. Les gens ne le défendaient pas forcément avec ces mots, parce que pour eux c'était évident, de toute façon c'était comme ça qu'on vivait. Et simplement il y avait une intuition quand même diffuse, d'une part parce qu'en face il y avait beaucoup de violence, et qu'on les poussait à crever de faim, donc... Et voilà, ils essayaient d'arracher les moyens qui leur permettaient de survivre. Mmh. Et ces moyens, à l'époque, ce n'était pas d'aller piller un supermarché, parce qu'il n'y avait pas de supermarché, c'était de défendre leurs moyens de subsistance. Et on pense que c'est des luttes qui, aujourd'hui, que ces luttes ont perduré dans le tiers-monde, et que sans être, à proprement parler, des tiers-mondistes, on est des personnes qui défendons les luttes, par exemple. Bah, on pense que cette perspective est très présente depuis ces dernières décennies en Amérique latine. On pense que c'est ça qui se joue au Mexique, par exemple, avec le mouvement zapatiste, et avec tout un ensemble de soulèvements qui se sont agrégés autour, plus ou moins explicitement. On pense que, par exemple, beaucoup d'Indiens du Mexique, et de gens avec eux, qui sont peut-être plus des Indiens, mais qui sont peut-être pas des Indiens, défendent une perspective de subsistance, défendent une perspective d'autonomie par rapport à la machine capitaliste. Et que c'est le cas aussi dans la partie sud du cône américain. Voilà, et on voit ça réapparaître régulièrement, par exemple actuellement dans les luttes contre les mines, mines qui sont elles-mêmes destinées à alimenter l'informatique, les outils informatiques, la quincaillerie électronique et l'électrification du monde, qui est aujourd'hui le projet des élites, notamment des pays développés, sous le doux nom de transition énergétique, sous le nom d'imposture de transition écologique. Voilà, donc ça, c'est notre perspective. Et au milieu des années 2000, on a estimé que l'informatique, l'informatisation était la pointe avancée de la perte d'autonomie dans sa dimension actuelle, quoi, dans sa dimension contemporaine. Ce qui, à nouveau, nous séparait de beaucoup de groupes de gauche et d'extrême gauche, de beaucoup de groupes qui se prétendent anticapitalistes, qui le sont à bien des égards, de manière sincère, mais où on estime qu'il y a un problème de conception, de clarté, un problème d'idéal, parce que ces groupes, souvent, ne voient pas de problème, et même au contraire, font l'éloge de l'informatique comme un outil qui permettrait de subvertir la logique capitaliste, la logique de profit, la logique de concurrence, la logique de précarisation des gens. C'était quelque chose d'omniprésent autour de l'an 2000, quand nous, on a fait un peu notre éducation politique de jeunes adultes, et ça reste, en fait, diffus, même si aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué de ne pas voir qu'il y a un problème avec Internet, de ne pas voir Internet comme un outil de domination à travers les GAFAM, etc. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a pointé très vite avant que les GAFAM aient émergé en tant que tel. Nous, on a commencé à se mettre au travail sur cette critique de l'informatique avant que Facebook existe. C'est-à-dire qu'on avait déjà l'idée qu'il y avait une dépendance malsaine, problématique, qu'il y avait déjà tout un ensemble d'effets mentaux, sociaux, sur la sociabilité, sur notre capacité d'action politique, avant même qu'il y ait les réseaux sociaux. Et donc, le temps qu'on écrive notre bouquin, qu'on avait décidé d'appeler « La liberté dans le coma », on a vu en plus les gens se ruer sur les réseaux sociaux, y compris des gens proches, des gens autour de nous. Donc, la situation, une fois qu'on avait fini notre bouquin, était infiniment plus grave que quand on s'était mis au travail vers 2005-2007. Voilà, mais bon, voilà, ce que je veux dire d'essentiel, c'est qu'on est effectivement une mouvance, dont la maison d'édition est une manifestation, mais parmi d'autres, qui a identifié l'informatique comme un outil essentiel là, d'aggravation des rapports capitalistes, qui donne à la fois, j'ai coutume de résumer l'affaire en disant, l'informatisation sur les 25 ans écoulés, moi je suis devenu adulte à la fin des années 90, donc voilà, depuis que moi j'avais 18-20 ans, l'informatique a soumis les gens à un pouvoir accru des entreprises, a renforcé le pouvoir des entreprises sur la vie des gens normaux, ordinaires, tout le monde, toute classe confondue. L'informatique a créé des phénomènes de centralisation du pouvoir social et politique, alors même qu'elle était vendue, y compris par les gens de gauche, comme un outil formidable de décentralisation. Donc nous, on pense, et on pense de longue date, que c'est l'inverse qui s'est passé. L'informatique a accru l'exploitation au travail et a renforcé aussi la capacité de contrôle des managers et des directions d'entreprise sur les travailleurs, aussi bien les cadres que les précaires et les prolos de base, sur des chaînes de montage, etc., sur des métiers déqualifiés ou d'exécution en tout cas. L'informatique, enfin, a aggravé considérablement, est en train d'aggraver à un point prodigieux la catastrophe écologique. Voilà. Donc, quoi, au niveau de la quantité qu'il faut pour faire fonctionner tout ce bazar, quoi. Bah, au niveau, si tu veux, très, très vulgairement, au début, nous, au début des années 2000, avec ce mouvement anti-mondialisation ou altermondialiste, il y avait quand même une sensibilité écologique qui réaffleurait à nouveau. Ça semblait un peu une suite de l'épisode des années 70, une suite de la prise de conscience qu'il y avait eu dans les années 70, qui s'était ensuite un peu estompée. Mais cette prise de conscience n'a pas du tout, ne s'est absolument pas opposée à la multiplication de nouveaux objets comme les téléphones portables, qu'on voyait les gens renouveler tous les ans et demi ou tous les deux ans, au fait de jeter tous les appareils photo classiques à la poubelle pour les remplacer par des appareils numériques, qui eux-mêmes sont des objets relativement fragiles, sont plus fragiles que les anciens, qu'il faut changer également. Puis il y a eu les smartphones, génération 1, génération 2, avec les histoires de génération d'ondes, hein, 2G, 3G, 5G. Et donc, déjà rien que sur le plan de l'obsolescence des objets, c'est énorme. Ces objets, évidemment, ils ont un coût écologique important, c'est-à-dire qu'on était animé de la conviction qui s'avère, qui est aujourd'hui quelque chose de banal, que des objets miniaturisés, quand on va plus loin dans la miniaturisation, ça a un coût écologique. Il faut généralement dépenser plus d'eau et avoir des métaux peut-être plus rares ou plus difficiles à extraire, qui eux-mêmes, du coup, dont l'impact écologique de l'extraction va être plus important. Voilà, donc on avait d'emblée cette conviction. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont bien documentées, ou sont mises en la fois en évidence dans tout un ensemble de rapports officiels ou commis par des gens qui sont des ingénieurs, je veux dire, qui ne sont pas forcément des contestataires, mais qui eux-mêmes admettent qu'il y a un énorme problème avec à la fois la production du matériel, l'impact de la production du matériel électronique, dans toutes ces tablettes, smartphones, puces, semi-conducteurs. Maintenant, c'est comme si, je parle du monde contemporain, c'est comme si on allait voir derrière le rideau, quoi. On en parle enfin, quoi. Même si vous en parliez déjà à l'époque, voilà, tu vois. On en parlait dès 2004-2005 et on se faisait rire au nez. Enfin, c'est-à-dire que souvent, ça provoquait des réactions de déni ou de colère. Le sentiment qu'on exagérait, qu'on était contre tout, que c'était insupportable. Bon, et après, il y a le problème de la consommation de ces objets et de la consommation notamment liée à l'Internet, au surdéveloppement de l'Internet, qui est une accélération permanente. C'est-à-dire qu'à mon avis, on pouvait déjà s'inquiéter de ce qui était consommé comme électricité en 2010. Mais depuis 2010-2015, il y a l'accroissement des vidéos, il y a l'apparition des vidéos. Okay. Et les vidéos sont beaucoup plus énergivores. Les vidéos, il semble que ce soit 80% de la consommation d'énergie d'Internet. Donc ça veut dire que tout le reste, qui est déjà énorme, puisqu'on n'enlève jamais rien d'Internet, quelqu'un qui fait un blog et puis qui l'arrête à un moment, une entreprise qui fait un site puis qui fait faillite, elle ne va jamais enlever ses pages, ça ne va jamais être détruit. Donc tout ça se cumule et figure dans des serveurs dont on sait maintenant que dans les data centers, on garde tout, chaque page, dupliquée, répliquée 4-5 fois. Donc chaque page Internet, chaque élément qui est mis en ligne par toi et moi, n'importe quel Pékin moyen, figure plusieurs fois. Et donc, il faut l'énergie pour que ces choses-là soient toujours disponibles. Puisque l'obsession des serveurs, c'est qu'en cas de panne électrique, il y ait toujours un endroit du monde où tout soit disponible. S'il y a un problème, s'il y a un incendie quelque part, s'il y a un blackout, etc. Voilà un peu le tableau général. Donc, cette dénonciation d'une surconsommation. Et donc, sachant que tous les chiffres qui étaient déjà extrêmement alarmants, on est déjà sur une consommation, par exemple, une émission de gaz à effet de serre qui est supérieure à celle des avions par le système numérique et qui est en train de rejoindre assez vite. Moi, je pense que c'est déjà le cas, vu ce qui s'est passé depuis le confinement comme accroissement de la numérisation. Ça a déjà rejoint les quantités de gaz à effet de serre émis par les véhicules personnels. Et en plus de la contribution à cette dimension de la catastrophe écologique, mais qui n'est qu'une dimension en fait, parce qu'il y a, il y a une focalisation qui est complètement exagérée sur le seul réchauffement climatique et sur les gaz à effet de serre, il y a aussi une prédation de ressources qui est fantastique, notamment pour donner juste deux, trois idées. On cite parfois le problème des terres rares. En gros, dans un smartphone, il y a plus de 60 métaux. Alors que dans un téléphone fixe d'il y a, voilà, enfin, tel qu'ils existaient, il y a une dizaine de métaux. Voilà. Et donc, ces métaux, il faut aller les chercher partout dans le monde, dans des conditions de plus en plus difficiles parce qu'il y a une demande croissante. Donc, il faut de plus en plus d'énergie pour les extraire. Les conditions de travail des gens là-bas, c'est horrible. C'est abominable. Et en plus, ça, c'est très souvent, on a ce symbole que pour faire des smartphones et des semi-conducteurs et des batteries de voitures électriques, au nom de la transition, on détruit les conditions de vie des dernières personnes, derniers paysans ou primitifs même, les arriérés, ceux que j'ai pas de problème à appeler les arriérés, c'est-à-dire des gens qui vivent réellement différemment de nous, qui ont réellement encore un lien à la nature, un lien organique, quotidien, et qui vivent réellement dans un imaginaire et une texture de leur quotidien et de leur vie mentale qui est différente. Et donc très souvent, les projets miniers aux quatre coins du monde ont pour effet de chasser ces gens, de détruire leur cosmos local, l'endroit, leurs racines, et la possibilité de maintenir un mode de vie à la fois concret et imaginaire et mental, tel qu'ils existaient malgré tout jusque-là. Donc c'est tout un symbole, en fait, pour... voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à développer dans La Liberté dans le coma, qui est notre manifeste, et qu'on continue aujourd'hui de documenter à travers différents écrits. Il y avait Contre l'alternumérisation, moi j'ai lu. L'alternumérisme, voilà, qui est un texte là, bah, pour le coup, qu'on n'a pas écrit nous, qui nous a été proposé, qu'on a un peu une commande qu'on a passée à deux jeunes militants dont on avait lu un article qui nous avait paru très bien, très remarquable. Et qui, clarifiait encore des choses qui étaient un peu implicites dans ce qu'on avait dit nous-mêmes, en mettant l'accent sur les illusions que se font les courants du logiciel libre, du numérique réappropriable, citoyen, etc. Donc avec tout un ensemble de mises au point qui nous semblent salutaires. Donc ça, effectivement, c'est un petit livre qui, en plus, c'est bien diffusé dans les milieux qui sont concernés par ces questions. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, dans la période actuelle, on sort des livres qui clarifient, disons, cette perspective de subsistance dont je parlais au début. Un livre qui a un certain succès, qui s'appelle « Terre et liberté », d'Aurélien Berland, qui faisait partie du groupe Marcuse. Donc c'est un peu une suite de « La liberté dans le coma », avec un approfondissement philosophique et politique sur la question de la liberté. C'est-à-dire, c'était déjà le constat qu'on faisait dans « La liberté dans le coma », l'idée qu'il y a différentes conceptions de la liberté, et que finalement, la liberté qui a gagné dans le monde occidental, la conception de la liberté qu'il a emportée et qui triomphe avec l'informatisation générale, c'est celle d'une liberté délivrance. Le fait de se délivrer des conditions matérielles, de la pénibilité des tâches matérielles, de la pénibilité d'être un être terrestre, en fait, qui est attaché au sol, qui ne peut pas être à plusieurs endroits au même moment, qui peut avoir un nombre d'expériences limitées en même temps, etc., etc. Et donc, Terre et liberté... creuse un peu, disons, les origines de cette conception de la liberté comme délivrance et propose en alternative une conception de la liberté comme autonomie, autonomie matérielle, autonomie politique, c'est-à-dire ne plus fuir les nécessités d'assurer soi-même, c'est-à-dire non pas tout seul comme un Robinson, mais avec des groupes qui sont responsables de ce qu'ils font, qui sont des groupes de producteurs, assumer sa subsistance de manière directe, en ayant un lien aussi direct que possible entre son travail, son investissement physique et matériel dans le monde, et puis ce qu'on mange, ce qu'on tire du travail, et puis ne pas fuir non plus les exigences de la politique, c'est-à-dire de la négociation avec les autres, du conflit, voilà, l'idée de tourner le dos à cette conception de la liberté qui triomphe avec Internet. D'une vie en fait débarrassée du poids des nécessités matérielles et politiques. Donc voilà, donc il y a ce livre Terre et Liberté, un autre livre qui s'appelle Réappropriation, qui est une défense de l'artisanat et également une réflexion sur le travail manuel et les machines, qui est écrit par Bertrand Loire, par un menuisier ébéniste, qui défend une idée de réappropriation des arts et métiers. Pour s'opposer à la dépossession capitaliste, toujours plus poussée par des outils de plus en plus puissants, de plus en plus sophistiqués. Voilà. Moins en moins démocratique, si on parle. Tu vois ce que je veux dire ? On est complètement dépossédé de notre pouvoir, hein, sur des machines qui sont gigantesques. Oui, oui, et que seul un corps collectif d'ingénieurs peut faire fonctionner, en fait. Et puis, cet automne, on va sortir un livre de deux féministes allemandes qu'elles avaient écrites dans les années 90, en plein mouvement altermondialiste, justement, ça boucle un peu la boucle. Maria Miss et Veronika Benholt, deux écoféministes allemandes, très liées aux luttes du tiers-monde, aux luttes notamment des femmes, aux luttes des paysans, des paysannes, et spécifiquement des femmes du tiers-monde, et qui défendent justement une perspective de subsistance, c'est-à-dire l'idée que pour s'opposer, que ce qui permet de s'opposer véritablement au capitalisme, c'est la défense d'une économie de subsistance, alors là où elles existent, défendre au moins ce qui existe encore, c'est-à-dire quand même des millions et des millions de personnes à travers le monde, des centaines de millions de personnes à travers le monde, même si cette économie de subsistance, elle est partout attaquée en permanence, elle est assiégée par le système moderne, le système industriel, par tous les côtés, par tous les aspects de la vie quotidienne, de l'administration, des contraintes techniques, ou parfois juste de la faim, du fait de pousser de conditions en plus qui s'aggravent, de conditions écologiques qui s'aggravent, de pollution, de réchauffement climatique. Mais voilà, défendre cette perspective de subsistance et essayer de recréer des formes une économie de subsistance là où l'industrialisation règne déjà, voilà, pour desserrer la mâchoire. Donc nous, c'est une perspective qui nous semble salutaire, qui est très bien formulée dans ce texte et qui est articulée avec une vision féministe, avec une exaltation du rôle des femmes. Là aussi, une tentative de renverser le stigmate, c'est-à-dire quelque part, c'est-à-dire d'estimer que les tâches qui ont souvent été attribuées aux femmes et dévalorisées en tant que telles, quelque part, elle les revalorise en disant « mais c'est la base de la vie ». Simplement, ces tâches, elles ont été considérées comme une sorte de soubassement invisible et gratuit et évident, implicite, quoi, du vrai travail de construction du monde, des usines, des autoroutes, voilà. Et en fait, ce travail, c'est la base de la société, c'est la base d'une société humaine. Et il faut reconstruire à partir de là que les hommes s'en préoccupent aussi. Que les personnes de sexe masculin s'en préoccupent aussi, le fassent aussi, sans que ça interdise parfois des répartitions de tâches ou de rôles éventuels, mais qui au moins qui se discutent et qui soient sur la base d'une valorisation consciente et nécessaire des tâches qui permettent la vie, en fait, qui permettent la vie et qui, elles, ne vont pas dans le sens d'une destruction de la vie, puisque aujourd'hui, le travail dans le cadre industriel, nous assure une destruction de la vie, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, mais nous mène dans une impasse, dans une destruction du vivant, et en plus avec des formes, bien sûr, de domination politique, on voit bien, d'aggravation des rapports de domination, qui sont gravissimes et qui nous ramènent vers des moments apocalyptiques, comme on a pu déjà en vivre au XXe siècle, des moments de guerre, d'affrontement, pour des ressources, pour des suprématies idéologiques ou raciales, qui sont à peu près inévitables dans le cadre actuel. Je pense aussi aux gens qui vont crever, quoi. Tu vois, les gens qui triment comme des malades, qui n'en peuvent plus, qui sont quand même dans la machine, mais qui ne reçoivent plus ce qu'il faut pour vivre, en fait. Tu vois, juste ça aussi, tu vois. Je parle même pas du combat, mais tu vois, les gens comme un peu les gilets jaunes, quoi, qui descendent dans la rue, qui n'en peuvent plus. Bah, effectivement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui... J'ai des pages là-dessus dans un écrit que je fais actuellement qui sortira peut-être en 2023. C'est effectivement le sentiment que le système rend aujourd'hui impossible, tu vois, aussi bien pour des paysans argentins qui vivent sur un site où en fait des grandes entreprises ont identifié qu'il y avait du lithium. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je me suis arrêté en route. Le lithium, par exemple, pour la transition écologique, énergétique, pour faire les foutues bagnoles électriques, il faut une multiplication de l'extraction de lithium dans le monde, on estime, d'ici 2050, 35 à 40 fois. Il faut 35 à 40 fois plus de lithium pour assurer le nombre de batteries si on veut que le commun des mortels ait une bagnole électrique et qu'on fonctionne sur une société qu'ils appellent décarbonée. Or, en fait, pour extraire le lithium, il faudra justement de l'essence, il faudra du pétrole et du gaz. Donc, en fait, ça se mord la queue. C'est peut-être même pas vrai que ce sera décarboné. Et en plus, pour en arriver là, il faut une dévastation. Voilà. Et donc, aussi bien les paysans argentins ou d'ailleurs qui ont le malheur d'avoir du lithium sous leurs pieds, sous leur salade et sous leur maïs, ne peuvent plus vivre, on va leur faire l'enfer pour pouvoir que le système continue. Et les gens qui sont effectivement à l'intérieur du système, il devient de plus en plus difficile d'en vivre. C'est-à-dire qu'on est clairement sur une pente où le fordisme est terminé, l'âge disons intégrateur du capitalisme, sous une forme séduisante, sous effectivement la forme de la société de consommation, malgré tout le fait qu'effectivement ça se diffusait. Moi, mes copains, on est des gens qui sommes issus de cette histoire-là. On est des gens dont les familles ont bénéficié de ça, sont sortis avec plus ou moins de plaisir, de bonheur, du monde paysan ou du monde ouvrier, pour accéder au confort de la classe moyenne, etc. Et cette histoire-là, elle est en train de se finir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir au contraire des gens qui vont être en chute sociale, en chute économique, et dont l'investissement dans le système ne sera même pas récompensé d'un accès aux standards de vie, aux standards consuméristes. Enfin, ce sera de plus en plus difficile, et avec peut-être des marches d'escalier qui vont être assez brutales dans les mois ou les années à venir. Donc on est effectivement à un moment comme ça où on peut plus, c'est très difficile de vivre hors du système quand on est hors, que ce soit des gens qui vivent depuis toujours comme ça ou des gens qui essayent, par exemple en France ou en Belgique, de vivre hors du système, c'est très difficile. On se sent assiégé concrètement, moralement, administrativement. Et puis, si on veut vivre dans le système de manière confortable, c'est également de plus en plus difficile. Ce sera le cas de moins en moins de gens. Donc, ça ressemble quand même à une croisée des chemins. Voilà. Voilà un peu le tableau qu'on peut faire, le diagnostic qu'on essaye de clarifier à travers nos écrits, notre activité de conférence, de présentation de livres. Voilà. Mais pour un peu titiller, et en même temps, c'est pas complètement juste, parce que c'est vrai que ces idées dont on parle, ces idées qui vont loin dans l'idée, hein, c'est, enfin, je veux dire par là que, ok, on a compris, c'était radical, je sais pas si t'aimes bien le mot, cette manière de voir le monde. C'est genre, moi j'aime bien pour comprendre, c'est à bas le progrès, quoi, au fond. On voit bien que ça ne mène nulle part, on voit bien que... Mais quoi, faire une maison d'édition, est-ce que c'est utile? Mais vous, comme vous parlez de choses où on parle... Enfin, c'est difficile de trouver, tu vois, même dans les grands médias, on n'entend jamais parler de cette remise en cause, de ce progrès, de... Non, vraiment, quoi. Enfin, je trouve, c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre ce que tu dis, quoi. Après, je dis pas que à travers les gens qui se rencontrent, qui discutent, il y a pas ça, tu vois, parce que évidemment, mais dans les grands médias, on entend rarement parler de ces idées-là, quoi. Oui. Bah, c'est normal, les grands médias, ils sont occupés à faire la promotion des dernières avancées, donc effectivement, une remise en cause profonde. Déjà, c'est pas possible de réfléchir à rester à la 4G et refuser d'aller à la 5G. Donc évidemment, l'idée de vivre plus simplement, etc. Bon, à la fois, on voit bien que de manière spectaculaire, disons, dans une certaine mise en scène, l'idée d'une vie plus simple est parfois mise en scène quand même par les grands médias. Ils sentent bien que c'est des aspirations qui parcourent la société aujourd'hui de manière plus diffuse. Et voilà, là, tu vois bien quand même, on a entendu par exemple la déclaration de jeunes ingénieurs de AgroParisTech, de l'école d'agronomie de la région parisienne, a été quand même déclaration relativement fracassante, de gens qui donc sortent de leur école en disant qu'ils ne feront pas ce pour quoi on les a formés. Ils refusent de continuer à contribuer à la destruction du vivant. Bon, ben, ça a eu un impact quand même. Donc c'est pas totalement absent. Je dirais que ce qui est absent, c'est la cohérence. C'est le fait de tirer les conclusions. De tirer les conclusions sans s'arrêter en chemin et en prenant au sérieux, bien sûr, le fait que, par contre, ben, c'est pas du tout facile d'arriver à mettre tout ça en œuvre, ni individuellement, ni collectivement. Quand tu dis à mettre tout ça en œuvre, la cohérence? Non, parce que je ne parle pas à mettre en œuvre un basculement politique, culturel, vers un autre chemin. Sortir du développement, je dirais. Sortir du développement, commencer la construction d'une société qui ne soit plus basée sur la croissance, sur le développement industriel, sur la division du travail constamment plus poussée, sur la fuite en avant technologique. bon, premier, voilà, le premier truc là maintenant, c'est face à la catastrophe écologique qui se déchaîne de toutes parts, ne pas croire que c'est plus de progrès technique qui va nous en préserver. Et au contraire, que la seule solution face à ça, c'est de se mettre à vivre de manière plus simple et alors, mais voilà, donc tu comprends ce que je veux dire. C'est pas de consommer encore plus ou différemment ou vert pour sauver le monde, quoi. Oui. Ça, il faut vraiment se dire que c'est du baratin, quoi. C'est du baratin complet, c'est vraiment une imposture. La notion de transition énergétique, écologique est une imposture. C'est le déguisement d'un nouveau projet industriel qui va plus loin dans l'artificialisation, qui va plus loin dans la consommation de matières premières, probablement qui n'aura aucun effet de baisse des émissions de gaz réchauffants. Et donc voilà, effectivement, donc moi à bas le progrès, enfin faut faire attention. Nous on essaye d'éviter les slogans en fait, tu vois, même si bien sûr faut bien. C'est pour qu'on se comprenne, c'est pour qu'on se comprenne. On dit plutôt terre et liberté, et moi je dirais plutôt sortir du développement qu'à bas le progrès. Parce que le progrès, ça reste évidemment une notion positive. Nous on est pour le progrès humain. Bon, là en l'occurrence, on est pour rester humain en fait, on est pour rester des êtres humains, c'est-à-dire pour nous rester des animaux. Là encore, l'arriération. Moi, tu trouves pas qu'on était plus intelligent derrière que j'ai l'impression qu'on est fort abruti, quoi. Tu vois, toi, tu parles d'arriéré, mais on nous abrutit, quoi. Même si on se dit qu'on n'est pas des abrutis ou qu'on est moins dans la... Il y a quand même une volonté de ça, j'ai l'impression, tu vois. Évidemment, la culture de masse, la culture industrielle sont basées sur une forme d'abrutissement, en tout cas de conditionnement, pour parler avec une parole qui soit pas, dont on ne dise pas que c'est un jugement de valeur, etc. Il y a bien l'idée d'un conditionnement, de manière explicite par les publicitaires, les gens qui font des relations publiques. Voilà, on gère les gens, on gère la masse, on gère l'opinion publique, on la conditionne. Donc oui, ça mène à des formes d'abrutissement, effectivement, en tout cas de... Donc, nous, on n'est pas, si tu veux, dans un éloge immodéré de tout ce qu'il y a eu dans le passé. Il y a des moments aussi où les êtres humains se sont avérés bêtes, barbares, à certains endroits, à certains moments. C'est arrivé avant l'industrialisation. Il y a eu d'autres formes d'aliénation avant. Par exemple, certains aspects de l'aliénation religieuse qui frappe encore aujourd'hui et qui n'a pas fini de frapper. Parce qu'à mon avis, face aux angoisses que vont générer la situation qu'on décrit, la fuite dans des formes de foi religieuse, soit les monothéismes tels qu'ils existent, soit des sectes nouvelles, vont avoir, à mon avis, des aspects tout à fait effrayants. Mais bon, ça, on l'a vu aussi dans le passé. Des mouvements apocalyptiques, des gens qui s'immolent ou qui se mettent à tuer les autres en masse, on a vu ça à d'autres époques. Donc... Mais c'est pas les mêmes. Tu vois, dans l'histoire... Il y a eu la religion, puis la religion est tombée, c'est l'État qui a repris. Tu vois, est-ce que c'est pas la suite de l'histoire, mais avec d'autres mots, d'autres manières, tu vois ? Mais je pense que c'est important de se rendre compte que le besoin de transcendance, le besoin de croire en un Dieu ou en une force spirituelle salvatrice et qui nous aveugle, va revenir, est en train de revenir très fort, et je pense risque de revenir face à une situation vraiment très, très effrayante. Je pense que voilà, la religion est aussi devant nous, c'est pas un vestige du passé. C'est une question compliquée. Je pense que ce que je voulais dire, c'était que... éviter les slogans simplistes, c'est que nous, on est pour le progrès humain, on est pour le progrès social, simplement. On pense que c'est important de se rendre compte que le progrès technologique, aujourd'hui, va à l'encontre du progrès humain. Voilà, c'est une de nos idées directrices. Voilà, donc nous, on pense qu'il faut sortir des logiques industrielles, qu'il faut réfléchir aux conditions d'une démocratie véritable. C'est très difficile, surtout dans les conditions où on est rendu. Mais il faut à la fois créer des conditions pour du débat démocratique, populaire, pour une participation du plus de gens possible, de tout le monde, à des décisions importantes sur la vie de chacun. Et ça doit aller, ça doit marcher en symbiose avec... le fait d'aller vers une autre forme de production. Et l'un peut apporter beaucoup à l'autre. Mais le cercle vertueux est terriblement difficile à mettre en marche dans les conditions où nous sommes rendus aujourd'hui. Donc nous, c'est ça notre perspective. Une démocratie authentique, une démocratie directe, une démocratie de participation effective aux grandes décisions, et une démocratie, du coup, dans le monde du travail, dans la production, qui aboutit, à notre sens, à... une désindustrialisation massive. Peut-être qu'il resterait des formes d'industrie sur des segments précis, mais à condition de partager les tâches pénibles, à condition de partager le travail bête et méchant. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra absolument aller à la mine pour certaines choses. Mais du coup, ça veut dire... Ouais, tu dis ça quand même. Bah, j'en sais rien. Non, je dis ça comme une, façon de... Je ne sais pas ce que donnerait des débats. On est dans une situation tellement confuse qu'aujourd'hui, savoir ce que donnerait si réellement, à l'échelle de certaines régions, de certaines villes, de certains districts, on se mettait à mettre à plat nos besoins, savoir de quoi on a besoin pour vivre, ne serait-ce que transitoirement. Parce que, de toute façon, on ne peut pas se remettre à... Enfin, quand bien même certains, leur idéal serait le chasseur-cueilleur, je ne sais pas si c'est mon cas, tu vois, mais on ne va pas se mettre à être des chasseurs-cueilleurs d'un coup, ce n'est pas possible. Enfin, ce serait... donc, de toute façon, il y a des paliers à penser. Tu vois, mais j'ai déjà coutume de dire, mais tu vois, quand je croise des gens qui sont nés en 1970 ou en 1960, déjà, ce qui me semble possible sur quelques années ou quelques mois, c'est peut-être déjà trop utopique, mais revenir à la quantité d'électricité qu'on consommait quand tu es né, tu vois. De dire, ah, tu es né en 1965, et ben regarde, tu es bien d'accord que dans le monde où tu es né, tout le monde ne mourrait pas de faim, c'était pas des conditions. Donc on peut revenir très vite, en réfléchissant tous ensemble, à la quantité d'énergie et d'électricité consommée en 1965. Évidemment, ça implique des décisions politiques hyper fortes, ça implique d'aller contre des intérêts aujourd'hui qui sont énormes et auxquels on participe tous, hein, de par nos habitudes, mais bien sûr qui sont avant tout défendus par une super oligarchie, etc. Donc, mais tu ne crois pas que c'est foutu tout ça ? C'est peut-être foutu, c'est possible, si, hein. Bien sûr. On a tous des moments de désespoir face au point jusqu'où on est allé. Non, mais ce n'est pas spécialement de désespoir, c'est de dire waouh, quelle méga machine quand même, hein, pour contrer ça. Alors oui. Comme ça, en discutant avec les gens, je me rends bien compte qu'il y a des... Oui, on peut créer des petites... des communs comme ça, où les gens fonctionnent, où, tu vois, où c'est à échelle humaine et ça se passe bien. Mais pour le grand monde, pour le... Tu vois, comment... J'ai pas du tout envie de créer une arche de Noé pendant que, je sais pas, qu'il y a 2 millions de personnes qui crèvent... Mais peut-être, voilà. Pourtant, c'est comme ça, voilà. Voilà. Non, mais il arrivera ce qu'il arrivera, de toute façon. Et on a tous un sentiment d'impuissance extraordinaire. Mais il s'agit justement, voilà, de sortir de cette impuissance et d'aller aussi loin que possible dans le fait de trouver ou retrouver des leviers pour agir. Et pour agir, quand on agit, c'est pour agir pour tout le monde. C'est pour agir pour le plus grand nombre. Donc déjà, en arrêtant de nuire, parce qu'on est dans un monde terrible où, de toute façon, ce qu'on fait chacun... Nos activités, nos petits besoins, nos petits plaisirs reposent sur le fait de nuire aux autres et à des gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde ou qu'on ne connaît pas à 200 km ou 600 km de chez soi. Donc c'est déjà sortir de l'interdépendance, recréer des formes de dépendance choisies à des plus petites échelles et arrêter de nuire et puis voir si c'est possible de prendre des décisions, d'arrêter des pans de la catastrophe qui, effectivement, sont dévastateurs pour des pans entiers de la population mondiale. Est-ce que c'est possible encore ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il faut mettre toute l'énergie possible pour essayer. Il y a un beau texte de Corinne Morel-Darleux dans le hors-série de Social Terre, qui cite Rosa Luxembourg elle-même, en disant, voilà, tout ce qui peut être essayé doit être fait, c'est une question... qui cite Rosa Luxembourg quand elle était en prison pendant la Première Guerre mondiale. Rosa Luxembourg fait partie des rares sociaux-démocrates socialistes en Allemagne et ailleurs qui avaient vraiment tenu leur position pacifiste jusqu'au bout, qui avaient vraiment fait tout le possible de par leur prise de position pour empêcher la Première Guerre mondiale. Bon, bah, elle avait été échouée. On l'a tuée. Hein. Après, non, pendant la Première Guerre mondiale, on l'a foutue en tôle. Elle était d'abord en tôle. Mais après toutes ces histoires, pendant, la fin de sa vie, c'est ça. Ouais, elle a été tuée pendant un soulèvement révolutionnaire juste après l'armistice. Mm. Mais donc voilà, et elle disait, tout ce qui peut être fait, d'abord c'est d'elle que vient la formule socialisme ou barbarie, dont on s'aperçoit de la justesse, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir réussi à construire le socialisme au XXe siècle, nous mène, fait qu'aujourd'hui on est face à une barbarie qui nous semble chaque jour plus difficile à éviter, et le socialisme plus difficile à construire. Et puis elle disait, tout ce qui peut être fait doit être fait, même si c'est peu, même si les chances semblent désespérées. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important, il faut l'avoir en tête, il faut le garder comme éthique directrice, même si on est dans une situation très, très angoissante. Et tiens, Mathieu, du coup, les éditions La Lenteur, elles se trouvent sur Internet, comment on fait ? On peut checker ou bien ça n'existe pas ? Il n'y a pas de plateforme, il faut écrire ou je ne sais pas quoi, moi. Alors, tu as raison de me poser la question, effectivement, je n'ai pas parlé de ce genre de choses pratiques. Nous, on n'a pas de site Internet, par choix, effectivement, compte tenu à la fois des idées qu'on défend, mais... c'est pas seulement un truc de recherche de cohérence, c'est tout simplement, du coup, dans notre équipe, on n'a pas envie de payer quelqu'un pour faire un site. Et parmi nous, personne n'a ni le talent, ni l'envie. Voilà, on préfère faire d'autres choses, parce qu'on n'est pas des éditeurs professionnels, c'est important de le dire. Même si là, on est deux à commencer à se rémunérer sur ce travail qu'on fait de longue date. Mais on compte pas en faire un temps, on ne sera pas éditeur à temps plein. C'est pas notre but dans la vie. On veut faire d'autres choses. Nicolas le fait plutôt en ville. Moi, je le fais plutôt en milieu rural, avec du coup des activités d'autoproduction. Voilà. Mais en fait, et d'autres travaux, d'autres tâches payées. Mais en fait, voilà, on ne cherche pas à être des éditeurs à temps plein. Et donc, on n'a pas ni le talent, ni le temps, ni le plaisir de faire un site internet. Donc, on a une page qui renvoie un numéro de téléphone. Notre diffuseur, qui en avait marre de recevoir des messages de gens qui nous cherchaient, nous a obligés à mettre une page web où il y a un numéro de téléphone pour nous joindre. Donc, voilà, on a un numéro de téléphone, on a une adresse postale qui est le BATS, B-A-T-Z, 81 140 Saint-Michel-de-Vax. VAX à la fin, une adresse postale où on peut demander un catalogue avec tous nos titres, depuis donc une trentaine de titres sur une quinzaine d'années, allez peut-être un peu plus, là j'ai pas préparé ça, c'est peut-être une quarantaine de titres maintenant, en comptant les revues notamment. Voilà, une quarantaine de titres qui documentent donc cette dépossession par l'économie, par l'industrie et les tentatives de résistance qui parfois émergent et qui espérons-le, se développeront assez pour empêcher une catastrophe totale. Oui, et le nom d'avoir choisi la lenteur, ça dit tout ce que ça veut dire, hein, la lenteur, à moins que j'ai pas compris quelque chose, mais ça me semble logique, quoi. Oui, oui, c'est y compris le fait de se dire, tu vois, d'admettre aussi... de ne pas chercher à tout prix une forme de puissance à travers le fait de faire des dizaines de livres pour absolument se donner les chances de tout changer. C'est pas vrai. Une nouvelle fois, nous, notre constat de base, c'est les choses importantes, elles ont été dites par le passé. Elles ont parfois été dites par des gens. Tu vois, on a un livre d'un contemporain de Rosa Luxembourg qui s'appelle Gustave Landauer, L'appel au socialisme, qui est un livre également qu'il a écrit dans une prison pendant lui aussi, il était en tôle pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il a écrit un essai qui s'appelle L'appel au socialisme, qui est très beau. Dans cet essai, il y a des choses essentielles sur le progrès, sur la critique de la conception même marxiste, socialiste du progrès. Les choses, voilà, ont déjà été dites. Donc nous, on est face à une situation qu'on trouve depuis longtemps assez désespérée, assez flippante. Donc on prend le temps de faire les choses et on espère qu'on lance des bouteilles à la mer. On espère qu'elles seront saisies, qu'il en sortira des choses. On contribue à notre échelle, on sait que d'autres le font aussi. Certains le font plus vite, d'autres le font encore plus lentement. Chacun fait comme il peut et comme ça lui semble avoir du sens. Et voilà, c'est un peu effectivement le sens de ce nom de la lenteur, de ne pas épouser l'accélération ambiante en tout cas, qui ne mène nulle part et qui ne sert à rien. C'est terminé, Mathieu, Amiche. Merci à toi d'avoir pris le temps. Amiche, ou alors tu le fais exprès. Non, je ne le fais pas exprès, je suis désolée. Je suis une enfoirée. Non, non.